Est-ce bien son écriture ? Mon Dieu, dit Tullo en s'asseyant accablé, je reconnais tout ce qui lui a servi. Voilà ses bonnets et ses pantoufles. Ah ça, voyons, depuis quand ? Crevel fit signe qu'il comprenait et empoigna une liasse de mémoire dans le petit secrétaire en marqueterie. Vois, mon vieux, j'ai payé les entrepreneurs en décembre 1838. En octobre, 2 mois auparavant, cette délicieuse petite maison était étrennée. Le conseiller d'État baissa la tête. Comment diable faites-vous ? Car je connais l'emploi de son temps, heure par heure. Et la promenade aux Tuileries ? Dit Crevel en se frottant les mains et jubilant. Eh bien, reprit Hulot hébété. Ta soi-disant maîtresse vient aux Tuileries, elle est censée s'y promener de 1 heure à 4 heures. Mais crac, en 2 temps elle est ici. Tu connais Molière ? Eh bien, baron, il n'y a rien d'imaginaire dans ton intitulé. Hulot, ne pouvant plus douter de rien, resta dans un silence sinistre. Les catastrophes poussent tous les hommes forts et intelligents à la philosophie. Le baron était, moralement, comme un homme qui cherche son chemin la nuit dans une forêt. Ce silence morne, le changement qui se fit sur cette physionomie affaissée, tout inquiéta Crevel qui ne voulait pas la mort de son collaborateur.